le monde existe. T'es sur mon chemin et ma route est là. Quoi n'est pas marché ensemble. Il existe plusieurs chemins, mais un seul en donne au bonheur. Amour, love, sans témoin ni ami, que personne d'autre ne vienne tout pourrir. Pour s'aimer, il faut être deux. La troisième personne n'existe pas. C'est vrai. Ni voisin, ni les pasteurs. Nous ferons tout pour les écarter. Oh, oh, ne me fais pas pleurer. Nobody can see you, nobody can touch, oh, just me. Ah, je n'aime que toi, ah, je n'ai vu que pour toi. Dans ma vie, tu es la fleur de bonheur. Oh, na kupenda bibi, unipero yako. Sitake bangine, lakini weye jona penda kongo. Hey, hey. On est tous les deux sur la route. Viens à moi chérie, remplis mon cœur de joie. Le moral toujours plus haut. Quand ces premiers jours d'amour, don't make me cry. Give me that love I expect. Bolinga. Mapendo, Bolingo, Mapendo, Bolingo, Mapendo, Sitake kurumisha wangu bibi, Mapendo,